C'est elle qui l'a faite. Bonsoir. Je reviendrai peut-être tout à l'heure prendre le thé avec votre ami. Henri, ne me quittez pas ainsi. Mais qu'appelez-vous ainsi? Sommes-nous fâchés? Je ne vois là rien que de très simple. On me fait une bourse et je la porte. Vous me demandez qui et je vous le dis. Rien ne ressemble moins à une querelle. Et si je vous demandais cette bourse, m'en feriez-vous le sacrifice? Peut-être. À quoi vous servirait-elle? Il n'importe, je vous la demande. Ce n'est pas pour la porter, je suppose. Je veux savoir ce que vous en feriez. C'est pour la porter. Quelle plaisanterie. Vous porteriez une bourse faite par Madame de Blève. Pourquoi non? Vous la portez bien. La belle raison. Je ne suis pas femme. Eh bien, si je ne m'en sers pas, je la jetterai au feu. Ah ah, vous voilà donc enfin sincère. Eh bien, très sincèrement aussi, je la garderai, si vous le permettez. Vous en êtes libre, assurément. Je vous avoue qu'il m'est cruel de penser que tout le monde sait qui vous l'a faite et que vous allez la montrer partout. La montrer? Ne dirait-on pas que c'est un trafic? Écoutez-moi, je vous en prie, laissez votre main dans les miennes. M'aimez-vous, Henri? Répondez. Je vous aime et je vous écoute. Je vous jure que je ne suis pas jalouse. Mais si vous me donnez cette bourse de bonne amitié, je vous remercierai de tout mon cœur. C'est un petit échange que je vous propose. Et je crois... J'espère du moins que vous ne trouverez pas que vous y perdez. Voyons votre échange, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire si vous y tenez. Mais si vous me donniez la bourse auparavant et sur parole, vous m'en rendriez bien heureuse. Je ne donne rien sur parole. Voyons, Henri, je vous en prie. Non. Eh bien, je t'en supplie, à genoux. Levez-vous, Mathilde. Je vous en conjure à mon tour. Vous savez que je n'aime pas ces manières-là. Je ne peux pas souffrir qu'on s'abaisse et je le comprends moins ici que jamais. C'est trop insister sur un enfantillage. Si vous l'exigiez sérieusement, je jetterais cette bourse au feu moi-même. Je n'aurais que faire d'échange pour cela. Alors, levez-vous et n'en parlons plus. Adieu. À ce soir, je reviendrai.